L'usine n'a cessé. On se disait qu'on irait loin. Pour l'instant, je suis au bout de ma rue. On dira rien, tout ira bien. Ouais, faut juste que tu le rallumes. Et surtout pas que t'oublies de me faire pédave. Je suis défoncé, j'oublie d'en faire des phrases. Dès l'énoncé, je déchire, j'enterre les pages. Pourquoi en faire des masses? Plus rien ne me fout le barreau. Hormis l'amour, j'en perds le masque. Au premier mot sorti de ma bouche, j'écris des lignes après des lignes. Et ça fait bien. Je suis pas magicien, rien d'extraordinaire. Et ça, vous le savez bien. J'égrave la haine quand je pars au taf dans les bouchons. Je fais du rap de bâtard et je me demande bien où les sous sont. Vous n'êtes que le brouillon d'une copie. Faire un feat avec ses couillons, autant lécher la chatte d'une groupie. Une grande gueule, je parle quand j'ai plus rien à rajouter. Rappeur, t'as beau vider ton chargeur, mais tu m'as pas touché. Y'a que dans ta tête que t'es dans les dents. Le succès adore toutes ces tapettes, hey, qui savent sucer sans les dents. J'attends solide toxique avant que Sophilogie me vire de chez moi. Cherche pas si je paye pas, un caire à la daronne, je te jure elle reste là. On tient à la famille, on s'éloigne pas trop. Je suis pas ton ami, je gaspille mon temps à faire des tarots. Dévoir des feuilles brûle comme un pyromane. Des rimes en kilogrammes se dissolvent. Voici le charpentier d'une toile majestueuse. Arpenter les rues de ma ville charmée. Tu veux éventard, attends que le diable te rencarde. Tu fais pas les poches des parents, surtout quand elles sont plus vides que les tiennes. Que des hyènes dans un système de chiennes. J'aime bien deux trois trucs à la mode, mais je préfère quand c'est dégueulasse. C'était trop propre, j'ai dû casser le casque. Ma gueule, j'aime la course, mais j'ai trop la peine de courir. Quand je rappe, j'ai le fou rire. Confonds pas le fourreur et le fureur. Sous la lourdeur, une goutte de toutes les couleurs apaise mes douleurs par la colère. Profite de la vie avec les miens avant qu'elle parte. Attends le départ que je démarre. Prépare un cercueil, les disciples de l'usine venus t'affronter. C'est sûrement qu'on avait encore 2-3 trucs à raconter. Le jeu transperce ta tête comme une balle. Douce mélodie, le texte est brutal. L'envoi traverse l'esprit comme une lame. Pour l'incendie, il suffit que d'une flamme. Le jeu transperce ta tête comme une balle. Douce mélodie, le texte est brutal. L'envoi traverse l'esprit comme une lame. Pour l'incendie, il suffit que d'une flamme. Oh frère, la vie c'est chienne. J'ai beau la déglinguer, c'est moi qui saigne. Ils sont flingués, ils vont m'expliquer ce qu'il faut faire. Niquer vos mères et le rap indé. C'est pas ma voix sur pas synthé. Faire un gros verre et la baraque au verre. Me faire planquer dans la caisse à outils. J'écoute la mort sur du Pavarotti. Toujours la classe sapée en sérotie. Peine pas pour ti, roule un petit, j'ai mal au cervelet. J'arrive tout en i, sur les petits j'esquive les barbelés. Dans les de Paris c'est la merde. Province c'est la même fils. Montrer du doigt par les stupes. J'rêve d'une vie d'artiste à la Elvis. Être poursuivi par le fils, quitter la ZUP. Devenir extrêmement riche et faire des gosses à une pute. Ouvrez les portes du pénitencier. Y'a que les poupées qui cherchent à négocier. Des mois bavards face au calancier. Demain tu meurs, personne va s'en soucier. T'es qu'une catin que le monde a souillé. Qu'est-ce que tu penses, arrête de brafouiller. Raconte pas ta ville, 9 je connais, c'est tout pérable. Ah ouais, toi t'as un gros bonnet, t'es qu'une pédale. J'tire 40 000 mains comme si j'étais le maire, mais j'vaux que dalle. Paquetso, explique-leur comment on rappe. J'tue le temps, j'chie dedans. J'fais du rap à mi-temps. J'fais du rap de titan. Le rap, j'ai les deux pieds dedans. J'tue le temps, j'chie dedans. J'fais du rap à mi-temps. J'fais du rap de titan. Toujours aussi chaud pétant. Le Z transperce ta tête comme une balle. Douce mélodie, le texte est brutal. L'envoi traverse l'esprit comme une lame. Pour l'incendie, il suffit que d'une flamme. Le Z transperce ta tête comme une balle. Douce mélodie, le texte est brutal. L'envoi traverse l'esprit comme une lame. Pour l'incendie, il suffit que d'une flamme. Cousine avec un Z bâtard. La dernière lettre de l'alphabet, ma couille. Quoi cherche pas plus loin, c'est moi. Aïe, Bakézo, ma souffrance. Solide toxique, sur les petits, ça a 7.